Oh là là, premier jour des soldes. Il y a du monde. Oui, mais nous allons faire de bonnes affaires, papa. Je vais trouver un ordinateur pas cher. Oui, et moi, je vais payer. Allez, viens. Le rayon informatique, c'est là. Alors, tu trouves quelque chose ? Je viens de voir cet ordinateur-là. Il y a un grand écran, le clavier est très fin et la souris est super pratique. Et combien ça coûte ? C'est l'ordinateur en promotion sur le site internet. Il est à moins 50%. Ça fait combien ? Ah, oui, ce n'est pas cher. Allez, je vais à la caisse. Attends, je vais voir les tablettes aussi. C'est au rayon téléphonie multimédia. Et je veux voir aussi le rayon appareil photo. Bon, ok. Il y a des livres aussi ? Oui, avec les DVD et les CD au rayon loisirs. Et il y a des liseuses numériques et des lecteurs MP3. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça sert à quoi ? Les liseuses numériques, c'est pour lire. Et les lecteurs MP3, ça sert à écouter de la musique, enfin.